بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. حديث commenté par أبو تيمية خليل المقتنيكي حفظه الله تعالى. 30e leçon. 30e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, طيب comme on a dit, on a terminé alhamdulillah باب الوضوء. Aujourd'hui on rentre باب المسح على الخفين, qui est l'essuyage sur les خوفs. Les خوفs qu'ils traduisent eux par pantoufles à la base, mais surtout les roufs, on sait, c'est comme des grosses chaussettes en cuir, en fait, que l'on met. Naam. Parce qu'à l'époque, les pantoufles, à la base, des pantoufles, par habitude, donc des pantoufles, mais pantoufles à la base, c'est en dessous des chevilles. Donc c'est pas trop la bonne traduction, quoi, de roufs, pantoufles. Donc là, il faut que je ça vienne au-dessus des chevilles. À la base, des roufs, c'est en cuir. Mais les chaussettes rentrent également dans le même jugement. Ça va me dire kadalik. C'est quoi le dhabit des khouf? Taïb. Faqala, rahimahullahu ta'ala, al-hadithu al-khamis al-khamsun. Ghan al-mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, qala, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, fatawadda'a, فأهيت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلى النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي سنده ضعف. نصر المغيرة بن شعبة qu'il dit que j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le wudu. Ensuite je me suis abaissé pour l'enlever ses khouf. Il a dit, oh, allez comme ça, laisse-les car je les ai enfilés avec les pieds purifiés. Et donc il a essuyé dessus sur les khouf. Et le hadith il est muttafaqun alayhi. Et pour les arba'a hormis le nasa'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sur le dessus des roufs et en dessous. Et le hadith, il y a une faiblesse. Taïb. Al-masailu wal-ahkamu al-mustafalatu min al-hadithi. Mas'alatun. Al-mas'hu al-khufayn. Awalan. L'essuyage sur les roufs. Il rapporte à la bonne parole d'Ibn Munzir qui dit que tous ceux dont nous avons appris, c'est-à-dire les gens, parmi les gens de science, on a vu qu'ils étaient unanimes sur cette action, le fait d'essuyer sur les roufs. Que cela est légiféré. Il rapporte une parole similaire d'Al Nawawi, que cela est permis pour le résident ou pour le voyageur. C'est ça à venir. Le voyageur, lui, il a droit à 3 jours et 3 nuits, et le résident, il a droit à 1 jour et une nuit. Après, le khilaf est venu de qui? Des Shia et des Khawarij. Et certains autres. Mais leur khilaf n'est pas pris en considération. Il y a même eu une version chaz de Malik qui ne voit pas cela. Une parole de Malik, Malik, rahimahou ta'ala. Naam. Et plus d'un savant rapporté l'unanimité sur la permission d'essuyer sur les roufs. Et donc le Shir, il dit que les hadiths se sont grandement multipliés, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'essuyage sur les roufs. Et il rapporta de Al-Hassan al-Basri qu'il a dit « Haddathani sab'ouna min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam anu masaha la khufayy » Ibn Mundhir, apportant de l'Hassan al-Basri, qui l'a dit, que 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapportaient qu'il est suivi ce khouf. Amen. Naam. Après, il cite plusieurs paroles d'imam qui affirme cela, que le mas suivi sur les khouf est une chose affirmée, une chose sûre. Il fut rapporté dans le Moussannaf de Ibn Abi Shayba que Aïcha a elle nié le mas sur le Khoufayn. Et aussi rapporté d'Ibn Abbas cela. Et certains ont interprété la parole de Aïcha comme étant le fait qu'elle ne voilà, elle blâmait le fait d'essuyer sur les pieds directement et non sur les roufs en fait, d'accord, sa parole est interprétée, ce qui était voulu c'est le fait d'essuyer les pieds et non pas de les laver. Il y a un bâton faïda de Shaukani qui dit qu'il n'y a aucun khilaf entre les sahaba par rapport au mas sur les roufs, le sujet sur les roufs. Et que tous ceux dont il a été rapporté qu'ils aient nié cela, le contraire également était rapporté d'eux. Si tu as trouvé un affar d'un sahabi qui nie le fait de faire le mas sur les Khoufayn, eh ben après cela, tu trouveras un autre affar de lui qui l'affirme. Et d'autres affars qui ne sont pas authentiques, qui sont venus. Après, il rapporte le port des Bihaqi de Salom ibn Abbas, que lui, il a vu cela détestable du fait qu'il n'a pas été. Il n'avait pas eu la preuve. Ibn Abbas, il a été rapporté de lui qu'il avait nié le fait d'essuyer sur les roufs, et cela, c'était avant qu'il n'ait la preuve que le professeur Salem ne l'ait fait. Et lorsqu'il a eu la preuve, il est revenu sur sa parole. Non, attendez. Après, il dit. Mas'ala, qu'est-ce qui est mieux, d'essuyer sur les roufs ou de laver les pieds? Donc là, il y a quatre paroles. Une qui dit qu'il est meilleur de laver les pieds. Une qui dit qu'il est meilleur d'essuyer sur les roufs. Une qui dit que les deux sont équivalents. Et une quatrième, qui est la parole d'Ibn Qayyim, qui dit que chacun en mesure de comme il est, en fait. Celui qui n'a pas de trouf, il se lave les pieds. Et celui qui a des troufs à mettre, il fait sa trouf. Mais bien entendu, quand on va en hiver comme on est, il est préférable de faire sur les troufs. Il y a moins de machaque, quoi. Dans les pays, il fait froid. Par exemple, c'est plus agréable de le faire sur les roufs. Plutôt de le sortir, de les mouiller les pieds. Bien entendu, c'est un tarfif. C'est un tarfif sur nous. Un allègement sur nous. Tayyib, après, il dit Mas'ala ishtirat libsihima ala tahara. Qu'ils soient conditionnés de les enfiler en état de purification. Donc le hadith de Mourira est une preuve en cela. Lorsque le Prophète a dit فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَاهِرَتَيْن. Quand il dit تَاهِرَتَيْن, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a pas dit إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَاهِرَان. Il a dit تَاهِرَتَيْن. تَاهِرَتَيْن, ça revient à quoi? Là c'est un مُثَنَّة, مُوَنَّث. C'est un duel féminin, il revient à quoi? Aux deux pieds. D'accord, aux deux pieds. Oh, allez, comme salam. Donc il est conditionné de les avoir enfilés après avoir lavé les deux pieds pour pouvoir essuyer dessus. Et il cite les paroles de Rolama qui disent qu'on ne connaît pas très la dessus. Enfin, après, Dimas Allah, Al-Mustahaza wa Sahib, Salsal al-Baoul. Que la femme qui a des pertes de sang est également celui qui a une incontinence urinaire. Comment ils font? Eh bien, eux, c'est le même jugement que les autres. S'ils se purifient et qu'ils font bien leur ablution, ils enfilent directement les choufs, après donc ils suivent dessus. Mais à condition qu'ils les aient enfilés en état de purification. Parce que la moustahada, elle doit faire l'odo avant chaque salat. Et Sahib Sal Salal Bol, celui qui a un continence urinaire, il doit faire l'odo avant chaque salat. Donc eux, ils peuvent le faire aussi, faire le masque sur les choufs, si ils ont bien enfilé. Après, ils ont 24 heures s'ils sont résidents, et 3 jours et 3 nuits s'ils sont réagir. Pas de différence. Après, si t'as une parole, alors là, j'ai pas saisi au final. Quand il dit « Mas'ala, idha labisa khuffahu al-yumna, ba'de rusl rijli al-yumna, qabli rusl rijli al-yusra, thumma ghassala al-yusra, wa labisa al-khuff. » Que si jamais il a lavé, par exemple, il a enfilé son pied droit dans la khuff, après avoir lavé son pied droit, et ensuite, il a son pied gauche, et ensuite il enfile la khuff du pied gauche. Et en lisant, j'ai pas vu, il a différents avis, c'est des paroles du savant qui disent que non, ça ne convient pas de faire comme ça, et d'autres qui disent que si. Il fait un targir, mais le targir en soi, tu comprends pas, c'est un kalam de Cheikh al-Islam. Et on dirait que Cheikh al-Islam, il voit que tu peux le faire, en fait. Mais c'est pas clair. Du moins, moi, quand j'ai lu, ça ne m'a pas apparu. C'est un long kalem, tu vois. Et j'ai pas trouvé déjà comment le traduire, d'une part, et d'autre part, comment l'expliquer. Donc, Inch'Allah, on passe cette mas'ala. Mais, pour celui qui veut y revenir, elle est dans le livre, en arabe. Ça, là, c'est la mas'ala, enfin, Talgir, mais j'ai pas vraiment, ça m'a pas paru clair. La mas'ala, il n'y a pas de Talgir. Il n'a pas donné la parole de juste, c'est dans celle-là qu'on va citer maintenant, qui est El Yumsah Yamsah al-Khufain Idelabisahuma Yakd Tayammum. Est-ce qu'il les suit sur les Khuf après avoir fait le Tayammum? Quand même. Et là, il n'a pas mis de Tarjih. Quand les ulama disent non, car le tayammum, c'est pas une tahara kamila, c'est pas une purification complète. Et d'autres, ils conditionnent, ça dépend pour quelle raison il a fait tayammum. Si jamais c'est le fait qu'il n'y ait pas eu d'eau, ou le fait qu'il était malade ou quoi, ça dépend de la raison. Et c'était une parole de Nawawi en dernier qui dit que si jamais il fait tayammum du fait qu'il n'y ait pas d'eau, alors la plupart des savants disent que cela n'est pas permis de s'y mettre dessus. Et que s'il trouve l'eau, il doit refaire l'eau d'eau. Et laver ses pieds. Après, si t'as que Hanabila, les gens du Madhab Hanbali, eux, ils voient que tu peux le faire. Mais comme je t'ai expliqué, ils ne donnent pas de... C'est quoi la ville... C'est quoi la ville plus sûre. Et même moi, en lisant, des fois, t'arrives pas à distinguer. T'arrives pas à distinguer que c'est quoi la ville plus sûre. Lui, il parle quelqu'un qui fait tayammum. Et après, il met des roufs. Mathalan. Après, il perd l'eau. Et après, il vient prendre salade, il trouve de l'eau. Est-ce qu'il a le droit de faire l'eau et d'essuyer sur les roufs? Ahemt. Et le khilaf est dans quoi? Certains disent que tayammum, c'est une tahara qui n'est pas complète. C'est juste un dépannage. D'autres qui disent non, elle vaut comme l'autre. Donc celui qui voit que le tayammum est une tahara complète, lui il voit que tu peux essuyer sur les khuf. Celui qui voit qu'elle n'est pas complète, il voit que non, ou alors il voit un torsil, ça dépend des raisons pour lesquelles ça fait tayammum. Voilà. Et là le tayammum, ça va bien inchallah son bébé, est-ce que c'est une purification complète ou pas? Après il dit, Mas'ala, idha labisa khufayn, thumma ahdatha, thumma labisa fawqahuma khufayn. Ou jurmu kain. Donc, si jamais on dit par exemple, il a mis ses roufs, après avoir été purifié, bien entendu. Ensuite, il perd l'eau d'eau, en yurdif. Après, il remet des roufs par-dessus ses roufs. Ou autre chose. Il faut faire de roufs. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer dessus? S'il refait l'eau d'eau. Sur la deuxième chose qu'il a mis. La deuxième couche. Et il rapporte des paroles de savants qui disent que cela n'est pas permis. Pourquoi? car il a enfilé l'autre couche sans être en état de purification. Et on a conditionné comme quoi ? On a conditionné quoi pour pouvoir essayer dessus ? Être en état de purification. Donc là, il ne l'est pas. Donc il peut faire un masque sur les premières, mais pas les deuxièmes. Par contre, s'il avait enfilé la deuxième en étant en état de purification, il aurait pu le faire dessus. Après, l'autre masque, là, il dit quoi ? Un peu similaire. Il dit « Iza labisa al-khuffain, thumma ahdatha, thumma masaha alayhima, thumma labisa al-jul-muqayn. » Donc là, c'est s'il a mis l'enfilé des khuff. Après, il a perdu l'odo. Après, il a fait l'odo, il essuie dessus, sur les premières. Et après, il a enfilé une autre couche. Tamam. Est-ce que l'autre couche, il peut, s'il fait, il refait l'odo, essuie dessus. Et en fait, le Khulasa, après avoir fait un khilaf, il dit que oui, parce qu'il a enfilé la deuxième couche en étant en état de purification. Et qu'il n'a pas enlevé les premières, également. Après, il dit, pour finir, Mas'ala al-Khuf, al-Mas'ala al-Khuf, al-Mukharrak. Il a dit, c'est le fait d'essayer sur les khuf qui sont déchirés, troués, percés. Donc après avoir cité un long khilaf, par rapport à ça, entre ceux qui disent non, c'est quoi la quantité de déchirure, faut qu'on voit l'orteil, il faut qu'on voit deux orteils, faut qu'on voit le talon, ainsi de suite. Il cita au final une parole de Cheikh al-Islam et de plusieurs autres savants qui disent qu'en fait, tant que le khouf porte le nombre de khouf et qu'on peut marcher dedans, ou qu'on peut l'enfiler, même si c'est déchiré, tu peux faire le masque dessus, l'essuyage dessus. Car il est bien entendu improbable que les Sahaba n'avaient pas de khouf déchiré. Vu la pauvreté, le mode de vie qu'ils avaient, il est certain qu'ils avaient des khouf qui étaient déchirés. Malgré cela, ils faisaient le masque dessus. D'accord ? Donc il dit, tant que la chose, même si elle est déchirée, ça reste toujours des khouf, et que tu les enfiles, tu marches avec, tu peux faire le masque dessus. Et tout ce qu'on dit là, c'est valable pour les chaussettes. Tout ce qu'on dit là, c'est valable pour les chaussettes. Sauf que les chaussettes, il y a un sujet en plus, c'est peut-être si elles sont transparentes ou pas. Parce que le khouf, ça peut pas être transparent, c'est en cuir à la base. Et ça viendra, Inch'Allah, dans son blab. Tayyib, le masala, elle est acquise. Tayyib. On a que ta fibia hada, wa alhamdulillahi rabbil alamin.